Troisième partie, chapitre 10, de l'introduction à la vie dévote. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Sonia. Introduction à la vie dévote par Saint François de Sales. Troisième partie, chapitre 10. Qu'il faut s'appliquer aux affaires avec beaucoup de soin, mais sans inquiétude ni empressement. Il y a bien de la différence entre le soin des affaires et l'inquiétude, entre la diligence et l'empressement. Les anges procurent notre salut avec autant de soin et de diligence qu'ils peuvent, parce que cela convient à leur charité et n'est pas incompatible avec la tranquillité et la paix de leur bienheureux état. Mais comme l'empressement et l'inquiétude seraient entièrement contraires à leur félicité, ils n'en ont jamais pour notre salut, quelque grand que soient leurs ailes. Prenez donc, filotez, le soin des affaires que Dieu vous met entre les mains, car Dieu qui vous les a confiées veut que vous y apportiez toute la diligence nécessaire. Mais n'en prenez jamais, s'il est possible, la chaleur et l'inquiétude, car toutes sortes d'empressements troublent la raison et nous empêchent de bien faire la chose même pour laquelle nous nous empressons. Quand notre Seigneur prit Sainte Marthe, il lui dit « Marthe, Marthe, vous vous inquiétez et vous vous troublez pour beaucoup de choses. Philotée, prenez bien garde à cela. Si elle n'eût eu qu'un soin raisonnable, elle ne se fût pas troublée, mais parce qu'elle s'inquiétait beaucoup, elle se troubla, et c'est de quoi notre Seigneur la blâma. Les fleuves qui roulent doucement et également leurs eaux à travers les campagnes portent de grands bateaux et de riches marchandises, et les pluies douces et modérées donnent la fécondité à la terre, au lieu que les torrents et les rivières rapides, qui à grands flots courent sur la terre, ruinent et désolent tout, et sont inutiles au commerce, comme les pluies violentes et orageuses ravagent les champs et les prairies. Il est vrai, jamais ouvrage fait avec une impétueuse précipitation ne fut bien fait. Il faut se hâter lentement, comme porte l'ancien proverbe. Celui qui court bien vite, dit Salomon, court risque de tomber à chaque pas. Et nous avons toujours fait assez tout ce que nous avons à faire quand nous l'avons bien fait. Les bourdons qui font beaucoup plus de bruit et sont beaucoup plus empressés que les abeilles ne font que de la cire et jamais de miel. Ainsi, ceux qui cendrent leurs affaires d'un si grand bruit et d'un empressement si inquiet ne font jamais que peu de choses et encore mal. Les mouches ne nous importunent que par leur multitude et non pas par leur effort, et les grandes affaires ne nous troublent pas tant que le nombre des petites. Prenez donc les affaires avec une douce tranquillité d'esprit comme elles viendront, et appliquez-vous-y selon l'ordre qu'elles se présentent. Car si vous voulez faire tout en même temps et dans la confusion, vous ferez de grands efforts d'esprit qui vous consumeront, et vous n'en verrez pas ordinairement d'autre effet que l'accablement sous lequel vous succomberez. En toutes vos affaires, appuyez-vous uniquement sur la divine providence qui seule peut les faire réussir. Agissez cependant de votre côté avec une raisonnable application de votre prudence, pour y travailler sous sa conduite. Après cela, croyez que si vous avez une vraie confiance en Dieu, le succès en sera toujours heureux pour vous, soit qu'il paraisse bon ou mauvais au jugement de votre prudence. Dans le maniement et dans l'acquisition du bien, imitez les petits enfants qui, se tenant d'une main à leur père, se divertissent à cueillir de l'autre quelques fruits ou quelques fleurs. Je veux dire qu'il faut vous y conserver dans une continuelle dépendance de la protection de votre Père céleste, considérant bien qu'il vous y tient par la main, comme parle l'Écriture, pour vous conduire heureusement, tournant les yeux de temps en temps vers lui pour observer si vos occupations lui sont agréables. Gardez-vous sur toute chose que l'envie d'amasser plus de biens ne vous fasse quitter sa main et négliger sa protection, parce que s'il vous abandonne, vous ne ferez pas de pas que vous ne donniez du nez en terre. Ainsi, filotez dans les occupations ordinaires qui ne demandent pas beaucoup d'application, pensez plus à Dieu qu'à vos affaires, et quand elles seront d'une si grande importance qu'elles mériteront toute votre attention, ne laissez pas de tourner de temps en temps les yeux vers Dieu, à la manière de ceux qui, étant sur mer, regardent plus le ciel que la mer pour conduire leur vaisseau. Si donc vous en usez de la sorte, Dieu travaillera avec vous, en vous et pour vous, et votre travail vous produira toute la consolation que vous en pouvez attendre. Fin du chapitre 10, troisième partie.